Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le droit anglais est-il une exception dans l'histoire ? Dans le journal de l'Empire, le 31 juillet 1808, le géographe français Conrad Malte-Brun s'intéresse au droit anglais. Il écrit « Le droit anglais, comme tout autre système de loi formé successivement par agrégation et sans plan, se divise en deux parties, les statuts et la loi commune ou les coutumes. La loi commune, c'est-à-dire la loi non écrite, résultat des usages réunis à quelques principes d'un prix inestimable, une foule d'incohérences, de subtilités, d'absurdités, de décisions tout à fait capricieuses. Oui, alors au moment où Malte-Brun écrit, Napoléon impose en France le code civil et le code pénal, et pas qu'en France, dans toute l'Europe, et puis de toute façon c'est un moment où les Français n'aiment pas trop les Anglais. Oh, de toute façon, les Français ne comprennent jamais les Anglais. You say goodbye, and I say hello. Ah mais c'est donc Noël, donc non, non. I don't understand. You come with me to pick up Peter. No, you come with me to pick up Macintosh. No, you. I beg your pardon. And if you don't come, I... Ah, merde alors, comment on dit comment ça? Comment ça, merde alors? But alors, you are French. You are not English? The defendant will stand. You have been found guilty. Bourville de Funès, évidemment, qui ont du mal à comprendre les Anglais. Bonjour, Tamara Herzog. Bonjour. Est-ce que vous pensez que les juristes français réussissent à comprendre ce droit anglais, hors français, et pas seulement français? Est-ce que le droit anglais est si exceptionnel? Et moi, je trouve que non. Je pense qu'en général, pour faire l'histoire des droits, il faut vraiment remonter dans le temps. C'est-à-dire, regarder les droits anglais au 19e, c'est très bien, c'est très important. Mais pour comprendre comment et qu'est-ce que c'est, il faut vraiment faire une histoire à longue durée. Et je pense que si on fait une histoire de longue durée du droit anglais, on voit très bien que ce n'est pas vraiment tout à fait différent. Et la question que je me pose toujours, c'est si ces droits deviennent un peu particuliers quand... ça se passe. Et moi, je trouve que, justement, au 19e siècle, que ça commence à être particulier. Mais pour comprendre ça, il faut aussi remonter dans le temps. Et si on m'aurait demandé comment le droit anglais a émergé, il faut commencer vraiment avec l'effet qu'en Europe, en réalité, il n'y avait pas des droits nationaux jusqu'au 19e siècle. Et c'est qu'il y a en Europe, il n'y avait pas un droit anglais, un droit français, un droit allemand. Ce qu'il y avait en Europe, c'est plusieurs droits locaux. Et chaque localité, chaque profession, chaque groupe avait leur propre système juridique. Et il y avait milliers et milliers de systèmes juridiques en Europe. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Voltaire. Il avait dit mieux que moi, évidemment. Mais il raconte que quand on fait des voyages dans le territoire français, on change de droit plus souvent qu'on change de chevaux. Et je pense que c'est vrai, n'est pas simplement pour la France, mais pour toute l'Europe. Mais il y a un moment où de divers pouvoirs européens essayent de créer un droit qui ne serait pas que le droit local, mais qui ferait engendre des unifications et centralisation du droit. Ce qui commence à les faire, c'est les autorités de l'Église. Ils croient à cette structure des droits canoniques qu'on connaît aujourd'hui, à partir de plusieurs coutumes locales des communautés chrétiennes qui n'avaient rien à faire l'un avec l'autre. Ils les font déjà à l'Empire, à la fin de l'Empire romain, mais ça prend 1000 ans pour que ça aboutisse à droit canonique comme nous le connaissons aujourd'hui. Ce sont les juristes qui essayent de le faire aussi à partir du Moyen-Âge pour trouver des principes généraux qui pouvaient aller pour tous les droits locaux et donner une culture juridique qui soit commune en Europe. Mais dans les cas anglais, qui est aussi les cas français et d'autres pays, c'est les monarques qui essayent de créer un droit qui sera un droit pour tout le royaume et pour un peu lutter contre, éliminer les droits locaux. Et c'est comme ça qu'ils commencent les common law anglais. Cette histoire nécessite un regard sur le temps long. Tamar Herzog, une brève histoire du droit en Europe les 2500 dernières années. C'est l'ouvrage que vous publiez chez Anacharsis, c'est traduit de l'anglais par Métissa André. Dans cette histoire, nous entendons bien ce que vous nous dites, vous nuancez grâce à cette étude historique la spécificité d'un droit anglais. Malgré tout, il y a une présentation un peu d'un droit spécifique anglais. Il y a eu longtemps cette idée-là. C'est cette idée-là que vous voulez démonter. Mais c'est vrai qu'elle a existé quand même un peu, cette idée. Oui, oui, tout à fait. Alors, comme j'avais dit, il y a un moment où les monarques essayent de centraliser et les monarques anglais ont beaucoup de succès. Et ce qu'ils font, c'est de créer une juridiction royale et qu'à ce moment-là, il appelle jus commune et en latin common law, mais après, quand l'anglais commence à être utilisé dans des tribunaux anglais, les tribunaux anglais parlaient français et écrivaient latin. Mais dans un moment donné, 16e, 17e, il commence à utiliser plutôt l'anglais, et alors il commence à appeler ça common law et pas jus commune, ou jus commune de reini. Et alors les monarques anglais, ce qu'ils font, c'est créer une juridiction locale qui vienne à la part de toutes les autres juridictions. C'est-à-dire, ils n'éliminent pas les juridictions locales seigneuriales, mais ils offrent au sujet une juridiction royale où des juges royaux attendent des requêtes de sujets et dispensent la justice royale. Et en réalité, les common law commencent alors comme une série de tribunaux royaux. Excuse-moi. Et les fameux rites qui permettent aux gens d'aller aux tribunaux, et ce sont des ordres de roi à ces juges d'attendre quelques personnes et donner des remèdes. Et ce qui est intéressant de cette histoire, c'est partout l'Europe, pas simplement en Angleterre, il y a une réaction contre et les pouvoirs royaux s'attendent d'éliminer l'autonomie locale. C'est pas vraiment les défenses des privilèges, c'est plutôt la défense de l'autonomie locale qui est faite par les élites locales plutôt et des juristes qui aident les élites locales. Par toute l'Europe, il y a une opposition à cette émergence des pouvoirs royaux, et ça devient très très fort, toute l'Europe, 16e, 17e. Et là, il y a un nouveau discours juridique qui explique cette opposition en citant les coutumes locales et les pouvoirs des coutumes locales. En France, la personne plus célèbre qui l'a fait, c'est François Haussmann, au 16e siècle, un humaniste français, qui écrit Franco-Gallia, pour revendiquer que France n'est pas vraiment un pays de droit romain. C'est un pays germanique qui dépend de droits germaniques. Et François Haussmann réécrit qu'est-ce que c'est les droits germaniques, qu'est-ce que c'est les droits romains. Il imagine les droits romains comme quelque chose formel, écrit, et basé sur la raison et portant des vocations universelles. Et il dit que les droits germaniques, dont selon lui la France appartient à ses traditions, c'est un droit informel, coutumier, qui vient de la communauté, alors qui est très local, très particulier à chaque communauté. Et il revendique ces droits germaniques pour dire au roi français, vous utilisez les droits romains et vous pouvez pas, il y a un droit coutumier que les rois sont censés à respecter. Dans le 17e, en France, ça fait peu d'effet politique. Mais en Angleterre, exactement le même discours est fait par le Chief Justice et Edward Cook dans le 17e. Et c'est une juriste incroyablement prolifique, qui en plus a beaucoup des adhères. Et lui, il dit tout d'un coup, presque, que ces tribunaux royaux, dont de justice royale, common law, en réalité ne sont pas faits pour les rois, mais plutôt ils représentent les coutumes immémoriales des Anglais. Alors il essaye de faire ce que François Haussmann a fait sans succès. Et alors, dès ce moment-là, en Angleterre, on commence à tendre cette idée que les tribunaux des common law, ce ne sont pas des tribunaux royaux qui obéissent au roi, mais plutôt ils représentent, ils gardent les droits anciens des Anglais. Ça commence au 17e, mais ça prend du temps pour que les gens soient convaincus, en réalité. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas jusqu'à la fin du 18e, 19e, que les Anglais eux-mêmes, mais ceux alentour de l'Angleterre, commencent à parler des common law comme un droit coutumier, comme cet professeur français que vous avez cité. Parce que dans cette réflexion-là, il y a ce mot common law, une loi commune. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons notre lecture du droit. C'est assez simple, en fait. Hein. Il y a un droit qui s'applique à tout le monde, c'est simple. Mais vous l'avez rappelé, Tamar Herzog, il y avait plein de formes de droits différents. Alors, les droits locaux, les coutumes, puis des droits plus généraux, le droit de l'Église, hein, le droit canonique. Dans cette histoire-là, il y a ce mot qui revient sans cesse, le droit romain. Mais pour l'Angleterre, vous étudiez 2500 ans d'histoire, eh bien, il faut quand même rappeler que ce territoire faisait partie de l'Empire romain. Donc, si on regarde longtemps en arrière, le droit romain s'appliquait en Angleterre. Tout à fait, et pas simplement ça, mais la Renaissance, ce qu'on appelle la Renaissance, c'est un peu un terme pas très bien, je trouve, mais la Renaissance du droit romain dans les universités au 12e, 3e siècle, ça se passe en Angleterre aussi. Oxford, il y a des facultés de droit romain et droit canonique, et les juristes anglais vont dans le continent pour apprendre le droit romain. Et en effet, ces fameux Chief Justice Edward Cook, une partie de ce qu'il fait, c'est réimaginer les droits anglais comme un droit coutumier, qui ne l'était pas du tout. Mais autre chose qu'il fait, c'est lutter contre l'influence du droit romain. Pour lui, c'est la première qui dit, je dis, on est des droits germaniques, on est germanique, on n'est pas romain. Les droits romains, c'est nocif, c'est un droit étranger. Jusqu'à ce moment-là, personne en Angleterre aura dit ça, ou presque personne. J'imagine qu'il y aura quelqu'un, mais ce n'était pas l'opinion commune. Oui, c'est vraiment cela. Hein. C'est que bon, ce territoire, l'Angleterre, est complètement lié à l'Europe sur cette longue histoire du droit, avec un moment très particulier. Parce que, ne faut pas l'oublier, mais depuis les territoires qui forment aujourd'hui la Normandie, il y a une conquête. Hein. Nous sommes en 1066. Un événement allait décider de l'issue du combat. Le roi Harold recevait une flèche mortelle dans l'œil. Le lieu où il tomba est aujourd'hui marqué d'une stèle et nul ne songera à chicaner sur l'authenticité de l'endroit. Le sort en était jeté. Guillaume, s'étant fait reconnaître, achevait la déroute des Saxons. Ici s'achève la bataille d'Hastings et avec elle la tapisserie de Bayeux. À l'endroit du combat s'élève aujourd'hui l'abbaye que Guillaume avait promis d'élever. Le touriste y contemple des armes rouillées ramassées alentour en 1066. Et naturellement, au pied de ces murs vénérables, on peut admirer ce parfait gazon anglais qui fait la fierté de l'Angleterre. La conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, racontée en 1966. La conquête de l'Angleterre, c'était 1066. Ça sent l'anniversaire, tout ça. Tamar Herzog, dans cet extrait que nous venons d'entendre, il y a deux nouveaux intervenants après cette période durant laquelle l'Angleterre était sous la domination romaine. Nous l'avons entendu, il y a les Saxons, donc voilà, un nouveau peuple avec un nouveau droit, et les Normands qui arrivent. C'est-à-dire que déjà, nous avons les mêmes phénomènes qu'en Europe. Plusieurs formes de droit existent en Angleterre. Tout à fait. C'est-à-dire, je reviens toujours à Edward Cook, parce qu'il est vraiment un personnage très important dans l'histoire de la spécificité anglaise, comment il l'invente, il la vend très bien. Et lui, justement, essaye de dire que les common law, c'est-à-dire les lois qui est fait pour des tribunaux royaux, et c'est les lois de l'Angleterre, mais en réalité, ce n'est pas de tous les cas. C'est-à-dire, en Angleterre, il y a des dizaines de tribunaux locaux, il y a des tribunaux ecclésiastiques, il y a des droits marchands, il y a des territoires où il y a loi danoise, parce que c'est comme ça, il appelle Dane Law. Et, alors, lui, il dit, oui, mais toutes sont, ils font partie d'un système common law. Mais de nouveau, c'est assez surprenant comme historien. Vous le regardez, vous le dites, mais c'est incroyable comment il a réinterprété. En plus, il dit à notre qu'il n'y avait pas une conquête normande, parce qu'on sait bien de l'histoire que les rois normands pensaient qu'ils avaient les droits, parce qu'ils étaient, par moyen des familiales, ils pouvaient prétendre la couronne anglaise. Mais traditionnellement, c'était toujours la conquête. Et il dit non, c'est une continuité parce que s'il y a une conquête, on peut changer les lois selon les droits de l'époque. Mais si c'est un héritier de royaume, alors le droit doit rester tel comme c'était. Et pour continuer alors, pour revendiquer Cook, que les droits anglais, vraiment, c'est les droits coutumiers avant de l'arrivée des Normands, il fait de la conquête normande quelque chose qu'en anglais on appelle non-event. C'est-à-dire, ça s'est passé, mais c'est pas vraiment important, il y a rien à raconter sous cette histoire. Bien évident, c'est pas vrai, et c'est ça qui aussi est surprenant dans l'histoire de common law anglais, qu'on sait très bien que c'est établi par une dynastie française, et qui est aidée par des juristes italiens et français qui ont appris et les droits savants dans les universités européennes. On sait très bien que la loi canonique existe en Angleterre et le droit canonique, en réalité, c'est une version du droit romain. L'Église prend le droit romain, elle l'utilise. On sait très bien tout cela, mais lui, il décide que ce n'est pas la partie importante de droit en Angleterre. Et voilà, et comme j'ai dit, ça prend du temps. Ce n'est pas jusqu'à la fin du 18e ou 20e. Et 19e, que la majorité des juristes acceptent ces versions des choses. C'est vraiment étonnant de lire cette histoire avec beaucoup de reconstructions tardives de l'histoire du droit, parce que, Tamara Herzog, cela veut dire que nous nous trouvons en Angleterre au Moyen-Âge et nous avons un problème. Il faut aller voir la justice, il y a le choix. Faut aller choisir quelle justice on va aller voir. Alors, il y a la justice locale, c'est celle du seigneur. Il y a quoi? Il y a la justice du roi aussi. Et ça, c'est très intéressant. La justice de l'Église. Vous l'avez évoqué, la justice marchande. C'est un peu libre service pour la justice. Il faut choisir. Oui, mais en réalité, c'est vrai par toute l'Europe. C'est-à-dire, dans toute l'Europe, il y avait des pluralités de juridictions. Et chaque personne, bien sûr, pour choisir, il faut avoir le temps, l'argent, les connaissances, la possibilité la mobilité. Mais en principe, on pouvait choisir à quelle juridiction appeler dans tel cas. Et en réalité, c'est ce que les rois anglais font pour attirer des gens à leurs tribunaux, c'est de dire « on va vous aider et notre justice est meilleure ». Et c'est vraiment la possibilité des monarques anglais à attirer des gens qui avaient des problèmes à leurs tribunaux et les faire préférer les tribunaux royaux et pas des autres qui fait que les common law grandissent. Parce que les rois donnent la possibilité d'appeler aux tribunaux royaux, mais il faut que les gens choisissent d'aller aux tribunaux royaux. Et alors là, il y a un jeu entre ce que les rois permettent et ce que les gens veulent. Et on voit très bien ce qu'est à cause de ça que les common law se développent selon ces deux dynamiques. Qu'est-ce que le roi est prêt de faire et le roi continuellement essaye d'avoir de plus en plus juridiction sur beaucoup plus de thèmes. Mais il faut qu'il y aura des gens qui veulent aller aux juridictions, qui choisissent la juridiction royale. Et une des questions que les juristes anglais, les historiens de droit anglais se sont demandé, pourquoi préférer la justice royale? Alors, il y a un qui disent parce qu'il y avait les Tower of London, où on conservait les décisions des tribunaux. Alors il y avait un dépôt des archives où on pouvait aller pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, avoir un certificat formel. Il y a des autres qui disent qu'ils pensaient que le roi était plus juste, plus impartial. Il était hors des circonstances locales. Alors les pouvoirs locaux ne pouvaient pas intervenir. Et éventuellement, il y a des gens bien sûr, qui disent « Oh, c'est meilleur, la justice royale, c'est plus juste, c'est plus raisonnable. » Mais c'est ça. Et je pense qu'à l'histoire en général, il y a toujours beaucoup de questions à se poser et pas toujours de bonnes réponses. Au moins, il y a des bonnes réponses, mais on ne sait jamais. Et c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien demander une personne au IIIe siècle à l'Angleterre, pourquoi vous avez décidé d'aller aux justices royales, mais je ne pourrais pas. Mais non, on ne peut pas. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien le savoir, parce que c'est ça quand même, le constat que l'on peut faire. La réussite des souverains anglais, c'est d'avoir imposé une justice partout. C'est leur succès. Alors, il y a deux choses. Il y a l'idée d'un succès immédiat, contemporain, et puis après, il y a la reconstruction. Prouver bien plus tardivement, si, c'était un succès, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que cette justice royale, on sent, s'impose peu à peu. C'est ça qui fait la common law. Ils ont été forts. Hein. Comment ont-ils fait ? C'est les pistes que l'on évoque. Mais d'après vous, Tamara Herzog, parce que vous avez étudié cette histoire sur le temps très long, comment peu à peu cette common law réussit à supplanter les autres formes de droit ? En réalité, je pense que la nécessité d'un droit commun est vraie partout. C'est-à-dire... Quand il y a des petites communautés, dans l'époque dite féodale, maintenant il y a des grands débats, s'il y avait une époque féodale, qu'est-ce que ça consistait, je vais pas entrer. Mais de toute façon, on sait très bien que les communautés étaient assez isolées. Mais au moment qu'on commence avec plus grande mobilité en Europe, de la commerce, des échanges culturels, et on a besoin d'un droit commun. On a besoin, parce qu'il y a des gens de différentes communautés qui doivent se traiter l'un avec l'autre. Alors partout, il y a cette nécessité d'un droit commun. Et peut-être dans l'Angleterre un peu plus aussi. Mais c'est difficile de savoir. Ce qu'on constate, c'est les résultats. Et parce que les raisons de résultats, on peut imaginer, mais on ne saurait jamais. Ce que l'on constate aussi, c'est que dans la chronologie de l'histoire du droit, il y a ce moment anglais avec des textes majeurs. Et parmi ces textes, il y a la Magna Carta 1215. Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme, et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Église. Et par cette présente charte, nous avons confirmé pour nous et pour nos héritiers à perpétuité que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés sans qu'on puisse les amoindrir. Et nous voulons qu'il soit constaté qu'il est évident en vertu de cette charte que la liberté des élections que nous avons accordé et confirmé, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l'Église d'Angleterre. À personne, nous ne vendrons, refuserons ou retarderons les droits à la justice. Il sera dorénavant légal pour toute personne qui nous est loyale de sortir de notre royaume et d'y revenir librement et en toute sécurité par voie terrestre ou voie maritime, sauf temporairement, en temps de guerre pour le bien commun du royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-la-loi qui seront traités d'après les lois du pays et du peuple de la nation qui est en guerre contre nous. Daniel Königsberg qui lisait cet extrait de la Magna Carta, texte incontournable de l'histoire du droit. Tamara Herzog, une brève histoire du droit en Europe, votre ouvrage débute sur la Magna Carta avec une déception. Une déception, parce que bah oui, pour moi, la Magna Carta, texte fondateur, on l'apprend et vous dites « Mais non, c'est pas si important que ça. » Oh là là, alors déjà, on peut rappeler ce que c'est. C'est quoi cette Magna Carta ? Alors, je vais répondre en disant qu'est-ce que c'était, pas la légende qui était fabriquée à propos de Magna Carta, mais en réalité, la Magna Carta, c'est une traité de paix qui était fait entre le roi anglais et les barons qui l'accompagnaient, les barons normands, parce que l'Angleterre, dans ce moment-là, au début du XIIIe siècle, était, on pourrait dire, un territoire colonial où il y avait les Normands qui se sont arrivés de Normandie. Avec les barons, tous les sujets étaient plutôt anglo-saxons, parlaient une autre langue, avaient notre droit. Et là, les rois commencent à accaparer plus de pouvoir. Et les barons qui l'accompagnent n'aiment pas de tout ça. Alors il y a une révolte des barons contre le pouvoir des rois qui prétendent avoir plus de capacités de ce qu'ils censaient qu'ils avaient avant. Et à la fin de cette révolte, ils font un traité de paix qui est la Magna Carta. Et en réalité, la Magna Carta, c'est un document féodal très très long, 63 et, articles, qui traite des choses tout à fait typiques des régimes féodales, ça veut dire héritage, droit à la terre, hein, des histoires comme ça. Il y a des autres articles un peu plus d'autres choses, mais en réalité, c'est un document très, très féodal. Et en plus, c'est un document qui était considéré comme un pacte politique, n'était pas du tout considéré comme un document légal qui pouvait... dont on pouvait utiliser pour dans les tribunaux. Et c'est assez oublié. C'est vraiment, c'est un document, j'ai le don aux étudiants à lire parce que c'est vraiment surprenant. Évidemment, c'est un document qui était rédigé en latin, pas en anglais. Il y a des traductions en anglais comme il y a des traductions Bayeux. Et voilà, c'est repris au XVIIe siècle pour ces gens qui veulent... réfèrent les droits anglais et ils disent ça montre qu'on a les qu'il y a un droit coutumier parce que c'est du XIIIe siècle et en plus ils disent ces droits coutumiers et reconnaît quelques droits fondamentaux de sujets du roi et de tous les documents qui comme je dis très très très longs ils prennent deux articles et ils font de ces deux articles les symboles de liberté anglais. Ouais, parce que dans ce texte-là, c'est vrai qu'il y a parmi tous ces articles, un qui est particulièrement repris et identifié, qui concerne la liberté individuelle. C'est l'habeas corpus, et ça se construit comment ? Oui et non, c'est-à-dire dans le Magna Carta, il y a deux articles qui se sont pris. L'un est théoriquement sur le consentement des royaumes pour les impôts, mais si on lit l'article, ça ne dit pas de tout ça. Ça dit qu'il faut obtenir les conseils des royaumes. Et on n'explique pas exactement qu'est-ce que c'est les conseils et qui est le royaume qui doit donner le conseil, qui le royaume. Et l'autre phrase qui vraiment, l'autre article qui devient très, très important, c'est l'article qui dit que on pourrait pas emprisonner freemen, ça veut dire des nobles, parce que les vilains, il appelle des vilains, c'est un horrible nom, mais les sujets féodales n'étaient pas freemen, que les freemen ne pouvaient pas être jugés que par les droits de territoire, que par des jurys, et de cette clause-là qui mentionne pas du tout l'habeas corpus, on comprend qu'il y a les droits au jury, qu'il y a et qu'on peut juger les gens que selon le droit des pays, et alors les habeas corpus. C'est tout à fait lu où ça n'existe pas. Les habeas corpus, c'est une invention tout à fait du XVIIe siècle. Il y a même un statut qui réglemente les habeas corpus. Avant cette époque, les rois avaient des ordres, ordre en anglais c'est le writ, et ils ont issu des ordres pour apporter des gens aux tribunaux. Mais c'était plutôt, il y avait beaucoup entre eux. Un était appelé, ce n'est pas un habeas corpus quanta. Ils l'ont utilisé pour contrôler les gens, l'autre juge. C'est-à-dire, c'était un instrument royal contre, par exemple, les justices locales pour dire, je vais voir, moi, le roi. Qu'est-ce que vous faisiez? Il faut apporter la personne et expliquer qu'est-ce que vous faisiez. Après, les rois l'utilisent contre sa propre administration, contre le Privy Council, à partir du XVe siècle. Et c'est qu'au XVIIe siècle qu'on commence à penser, on relie dans les Magna Carta et ses droits à être jugé selon les droits de territoire. Et on dit que c'est la justification de habeas corpus. De toute façon, c'est clair dans cet article, que c'est un article qui parle que des nobles, et même le jugement par les pires. Et aujourd'hui, on pense que les pires, ce sont les collègues comme nous, mais en réalité, en Angleterre, les pires, ce sont les nobles. Alors, c'est pas du tout une chose qui donne des droits aux Anglais, c'est une chose qui donne des droits aux nobles qui les rois ont besoin des nobles et il n'a pas d'autre choix que les donner des droits. Alors, une partie de l'histoire du XVIIe, c'est comment les Magna Carta est réélu, comment on utilise les Magna Carta pour obtenir des choses qui sont importantes au XVIIe et comment on change les significations. Et si vous me permettez, je pense que c'est assez typique des droits en général. Nous pensons qu'une fois que le droit est écrit, il y a une stabilité, une fixité, on sait qu'est-ce que c'est la loi. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire, les lois, c'est un texte, même si, quand c'est écrit, qu'on peut relire, réutiliser différemment dans des moments différents. Et la Magna Carta, c'est typique de ça, parce que le texte a resté égal pendant des siècles, mais l'utilisation et la lecture étaient tout à fait différents à chaque moment donné, parce que la nécessité était différente. Mais je pense que c'est typique de la loi en général. J'ai dit que la loi est un peu comme des sables mouvants qui paraissent toujours les mêmes, mais en réalité, ils bougent tout le temps. Ouais, ça bouge tout le temps. Et l'habeas corpus, le fait de ne pas pouvoir emprisonner quelqu'un sans procès, c'est une idée tardive, mais c'est passionnant de voir comment, pour justifier cette idée du XVIIe siècle, on va chercher un texte ancien, la Magna Carta. Tamara Herzog, vous dites, dans votre brève histoire du droit en Europe, la Magna Carta, en gros, on vous en trouve plein un peu partout, des textes similaires. Il y en a d'autres, c'est bien ça, hein. Il y a d'autres textes qui ressemblent à la Magna Carta. Donc, il a fallu, en fait, choisir celui-là pour le mettre en avant. On peut vraiment dire que le succès de la Magna Carta, en fait, c'est tardif, c'est au XVIIe siècle, c'est ça? Oui, tout à fait. En réalité, les gens qui ont étudié la Magna Carta se sont posés le même genre de questions qu'on a posées avant. Pourquoi la Magna Carta? Pourquoi pas d'autres documents? Alors, c'est incroyable parce que les profs qui a plus étudié cette question disent parce que c'est un document très, très mauvais. C'est pas clair, c'est long, c'est compliqué. Alors, on pouvait faire... C'est plus facile, c'est vrai, c'est plus facile de changer les significations d'un document long que d'un document court. Et en plus, il dit c'est parfait parce que on pouvait réinterpréter ces deux articles. Et vraiment, c'est incroyable parce que c'est des 63 articles. On parle que de deux articles. Mais de nouveau, on peut pas parler avec Edward Cook et lui demander pourquoi la Magna Carta. On aimerait, mais c'est pas possible. Mais comme je dis, ça prend du temps parce que pas tout le monde est d'accord, mais. C'est intéressant, ça aussi, je me suis posé dans ce livre la question, pourquoi les mythes se sont faits, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec les mythes. Et je pense que c'est plus difficile de détruire des mythes que de créer des mythes. Que les mythes survivent même en face de toutes les réalités, toute l'évidence au contraire, moi je trouve. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est mythes qui ont la peau dure et sans le regard de l'historienne, il est certain que face au droit anglais, on est un peu sous l'eau. France Culture. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Le cours de l'histoire. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Xavier Mauduit. Les Beatles, Yellow Submarine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Le droit anglais est-il une exception dans l'histoire avec Tamara Herzog? La nécessité d'un regard sur le temps long et puis d'un regard qui quitte uniquement un territoire, l'Angleterre, regardé de manière beaucoup plus large. Nous évoquons beaucoup le XVIIe siècle, moment très particulier aussi de la mise en place de cette common law. On peut regarder ce qui se passe ailleurs. Pour le XVIIe siècle en Europe, et c'est le cas français, il y a le roi qui s'impose comme souverain absolu. En Angleterre, il y a cette volonté-là aussi qui n'aboutit pas. On sait bien qu'il y a cette révolution. Comment peut-on comprendre que la common law ici devient aussi importante, même dans l'identité des Anglais? Et comme j'ai dit, ça devient important, ce ne l'était pas avant. Mais de toute façon, par toute l'Europe, il y a une grande opposition au roi dans les 16e et 17e siècles. Et même 18e. Mais la question est comment on fait opposition au roi? Quels sont les instruments? Alors, en Espagne, par exemple, il y a une révolte assez connue, Rébellion de los Comuneros, où les communautés castillans s'est mis à révolter contre Charles Quint, V, qui était... aussi était le roi d'Espagne, mais aussi l'empereur de l'Empire Allemagne. Et ce sont des revendications politiques qui sont assez similaires à ce qui font les Anglais au XVIIe. Mais c'est les bourgeois qui font ces demandes et c'est une essai des oppositions politiques. Et en France, en réalité, ce sont les juristes qui s'opposent au roi. Et en France, il y a l'histoire du Parlement. Je ne sais pas si c'est très connu entre les Français, mais il y avait des tribunaux provinciaux en France qui s'appelaient les parlements et qui, pendant le XVIIe et une partie du XVIIIe quand ils pouvaient, ils faisaient opposition au roi aussi. Et ils utilisaient un processus. Il y avait la coutume tout à fait administrative que le roi envoie les décisions royales au Parlement pour que ces décisions soient connues dans les provinces. C'était une forme de publication et des ordres royaux. Alors les parlements des provinces commencent à dire que ce n'est pas automatique. On ne va pas registrer automatiquement tous les ordres de roi. Il faut voir s'ils sont bien, s'ils sont justes, s'ils obéissent les lois locales. Et s'ils n'obéissent pas, ils refusent, ils nient de registrer les ordres. Théoriquement, c'est une histoire administrative, mais ça devient vraiment un instrument très très fort pour un peu faire de l'opposition au roi. Et le roi n'aime pas du tout. Il y a tous des instruments que le roi essaye d'obliger au Parlement de registrer les lois, de publier les lois localement. Mais il y a une lutte énorme de pouvoir en France, 17e, 18e, et ça fait partie de l'histoire de la Révolution française aussi, le rôle du Parlement. Et alors, ce sont des juristes, mais c'est la forme des oppositions qu'ils font. En Angleterre, c'est aussi les juristes qui font de l'opposition, mais ils le font d'autre manière. Ils le font en revendiquant ces droits royaux comme droit du royaume, comme droit coutumier. Et alors, ils prennent, au contraire du Parlement français, qui défend la liberté, les droits spécifiques de chaque province, ils revendiquent un droit commun de tous les Anglais. Et ce qu'ils font, c'est faire remonter le Parlement anglais. Mais ça fait partie des Bill of Rights. C'est ça, c'est ouais. L'ensemble de cette réflexion ne peut être qu'européenne. Question de l'histoire du droit, il n'y a pas encore de Brexit, on l'entend bien, il n'y a pas de séparation entre cet univers anglais et puis le reste de l'Europe. Tamara Herzog, vous êtes historienne du droit, juriste, professeur à l'Université d'Harvard, et vous êtes spécialiste, et on l'a entendu par votre accent, des mondes juridiques britannique, évidemment, européen aussi, particulièrement espagnol. Cette brève histoire du droit en Europe, 2500 ans, eh bien, c'est une histoire de tension sans cesse avec cette figure du pouvoir royal. On sent que dans cette multiplicité de formes de droit, bah, c'est qui va gagner, quoi, et écraser les autres formes de droit. C'est intéressant la démarche prise en Angleterre pour atteindre la common law. Parce que le roi n'est pas un roi absolu comme il y a ailleurs. Cette place des jurys, c'est une histoire sociale aussi, et très très importante. Ils sont toujours présents. Donc tension en Angleterre entre les juristes. On va dire que les juristes, les parlementaires, ont gagné en Angleterre. Oui, à la fin, ils ont gagné. Mais ça aussi, ça a pris des temps. C'est-à-dire, je sais que on normalement raconte l'histoire de la France avec la monarchie absolue, mais c'est vrai que ce n'était pas absolu non plus. C'est-à-dire, l'absolutisme, c'était un horizon, peut-être ce qu'on appelle en anglais wishful thinking. Mais c'est bien, on voit les correspondants de Louis XIV qui est théoriquement les rois qui étaient absolus. On voit très bien qu'il a beaucoup de problèmes à imposer ce qu'il dit, parce qu'il y a justement les droits locaux, il y a des groupes de pression. C'est pas du tout, on imagine que lui il a décidé et ça s'était fait, mais c'est pas du tout ça. Et en Angleterre, c'est la même chose, c'est-à-dire les rois, c'est une époque avant l'armée vraie, avant la police vraie, les rois devaient avoir à la fin le soutien, au moins des élites locaux, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas, et le pouvoir royal. Ouais, le roi doit composer, et merci de le rappeler, en France aussi, l'absolutisme, j'aime beaucoup votre expression, c'est plutôt un horizon, c'est un but à atteindre et qu'il est difficile d'atteindre. Malgré tout, il y a toujours cette idée, et qui se développe alors de plus en plus à partir du XVIIe siècle, qu'il se passe quelque chose de particulier en Angleterre dès qu'il est question du droit. Quant au droit anglais à proprement parler, rares sont ceux en France qui ont entrepris son étude. Cette étude, disons le mot, est rebutante pour le français. Le langage juridique anglais reste archaïque. Il n'y a pas de codes généraux. Il n'y a que des tronçons de codes. Et puis, si un chercheur veut remonter aux principes, aux synthèses qui nous sont chères, sa quête sera peu féconde, parce que l'esprit anglais est analytique. Et que ces constructions, et ici spécialement ces constructions juridiques, se sont élevées au cours des âges selon les événements. Les problèmes juridiques sont résolus au fur et à mesure qu'ils se présentent. Les principes abstraits font peur, ils sont bannis. C'est Jean Duhamel, juriste, diplomate, qui en 1957 s'exprimait à propos du droit anglais. Alors, Tamar Herzog, je vous voyais faire un peu la grimace quand vous écoutiez cette archive. Elle est très intéressante parce que c'est aussi une représentation du droit anglais. Cette idée que c'est incompréhensible. Il n'y a pas de texte. Nous bénéficions à partir de la Révolution française et puis de l'épisode napoléonien de codes. Code civil, code pénal, au moins c'est écrit et on sait où aller voir. Mais avec les Anglais, on ne sait jamais. C'est un peu ce qu'il disait, ce monsieur. Oui, mais alors ça explique un peu une chose que j'ai mentionnée en passage avant, que je pense que si les droits anglais deviennent différents, vraiment, c'est 19e. Et c'est à propos des pas acceptations des mouvements des codifications, qui est vraiment accepté presque partout en Europe et en plus c'est exporté hors de l'Europe. Et là, il y a vraiment un gros débat si les codifications, c'est possible pour le droit anglais ou non. Et il y a beaucoup de gens en Angleterre qui veulent avoir des codes, parce qu'ils ont l'impression de ces messieurs, que c'est trop compliqué. Les Anglais même, que c'est archaïque, qu'il y a des choses féodales qui n'étaient pas éliminées. Et je mentionne justement dans mon livre ces essais. Mais c'est dans ce moment-là qu'il y a une opposition très très forte à la codification. Et la question à poser, pourquoi ? Alors il y a beaucoup des explications. Ils disent parce que le caractère de common law est justement ce qu'a dit ce monsieur, c'est différent. Et alors c'est impossible de codifier les common law. Mais on pouvait dire exactement la même chose pour les autres droits européens. C'est-à-dire pour faire la codification en France, ça a pris beaucoup de temps. Les projets étaient là avant la Révolution. Pendant la Révolution, et c'est abouti. La première, c'est les codes napoléoniques des débuts du XIXe siècle, qui n'est pas très bon en réalité, qui n'a pas bien codifié tout ce qu'il fallait codifier. Mais s'il y a la différence, c'est vraiment 19e. De toute façon, je voulais dire une autre chose. De temps en temps, j'y pense des choses un peu plus générales, comme j'avais dit sur les mythes et la défaire des mythes. L'exceptionnalisme, je trouve comme argument incroyable, parce que moi, j'ai été éduquée dans 3 systèmes universitaires nationaux différents. Et après, j'ai travaillé dans 2 ou 3 aussi. Et dans mon expérience, tous les pays pensent exceptionnel. Et moi, je demande toujours aux étudiants, alors où est la norme ? Parce que si on pose la question à l'Angleterre, évidemment, elle est exceptionnelle. Mais la France n'est pas exceptionnelle. Les Pays-Bas n'est pas. Et les Pays-Bas, c'est incroyablement exceptionnel. L'Italie, c'est tout à fait une autre histoire. Et l'exceptionnalisme américain, ils se sont convaincus. Alors, c'est curieux comment, dans cette construction nationale qu'on subit depuis des 19e siècle, un des discours qui est typique de tous les nationalismes, c'est l'exceptionnalisme. Mais, bien sûr, la question est qui y croit et comment les gens y croient et pourquoi les gens y croient. Et je pense que les Anglais sont un peu comme ça aussi, mais ce n'est pas eux seuls des argumentés. Pourquoi on l'y croit ? C'est ça la question à poser pour moi. Et j'aime beaucoup, il y avait une monsieur que je raconte dans mon livre anglais qui voulait absolument codifier le droit anglais, et qui l'a dit, d'une part, c'est pas du tout particulier, c'est un anglais qui l'a dit, ce n'est pas du tout particulier, et en plus, ce n'est pas très bien, parce qu'en réalité, les droits romains, des pays de droit romain, étaient exportés partout dans le monde, mais le droit anglais, non. Le droit anglais n'était exporté qu'où étaient les Anglais. Alors, comment on dit que c'est un droit meilleur ? Eh oui, ça, on ne peut pas le savoir. Hein. Le droit anglais exporté partout où étaient les Anglais. Les Anglais, alors là, ils étaient un peu partout, hein, sur tous les continents. Donc, le droit est partout, et notamment aux États-Unis. Mais c'est bien vous, je ne me trompe pas. Non, non, je ne crois pas. Oh, mais vous êtes bien un célèbre avocat à la cour. C'est très exagéré. Je peux quand même avoir votre autographe. Oui, bien entendu. Merci. Je suis venue étudier des aspects de votre système juridique. Je suis américaine. Ah, vraiment? Je viens à peine de commencer, c'est fascinant. Que faites-vous ici? Oh, c'est assez embarrassant, je suis venue voir un ami. Ah, oui, je vois. Tenez. Je le savais! Vous êtes archi lèche! Leech. Oui. Je vous ai vu plaider il y a 2 semaines de ça. Ah, le hold-up de la... Oh, vous avez été grandiose. Ah, merci. Je suis une de vos ferventes admiratrices. Vous procédez au contre-interrogatoire d'une façon si pénétrante. Un poisson nommé Vanda, c'est un extrait du film de Charles Crichton en 1988 à Tamar Herzog. Bah oui, pourquoi ce droit anglais ne s'est-il pas exporté? Pourquoi aux États-Unis il y a une autre forme de droit alors que les États-Unis étaient colonies britanniques? Oui, c'est vrai aussi, mais les États-Unis, les colonies britanniques dans l'Amérique du Nord n'avaient que des Anglais. Il y avait beaucoup des autres Européens qui y habitaient, avec des autres traditions juridiques. En plus, les Anglais qui se sont immigrés n'étaient pas d'un seul lieu. C'est-à-dire, ils apportaient avec eux en Amérique une série de coutumes locales, des droits locaux, et pas nécessairement les common law. En plus, même ces fameux Edward Cook disent que les common law n'existaient pas dans les colonies parce que c'était la juridiction royale et il n'y avait pas des tribunaux de common law dans les colonies. Il n'y avait pas les rois, alors il n'y avait pas common law pour lui. Parce que pour lui, vraiment, common law, c'est que les droits qui est fait par des tribunaux royaux qui sont des common law courts. Et bien sûr, après, quand les États-Unis commencent à s'expandir vers le sud et l'ouest, il accumule des autres traductions juridiques, traditions françaises, espagnoles, bien sûr, de tous les peuples natifs qui sont là, qui exercent leurs propres lois. Et bien sûr, il y a aussi des traces des lois qui apportaient pour les gens qui étaient esclavisés, pour les personnes qui étaient esclavisées de l'Afrique. Alors, il y a beaucoup d'autres lois aussi dans l'espace. C'est pas que les droits anglais. Et de toute façon, dès le début, les droits anglais qui étaient apportés, ou la partie de droits anglais qui était portée dans les colonies, étaient différents parce que c'était beaucoup plus écrite. Parce qu'il y avait les chartes coloniales, que les colonistes pensaient étaient une espèce de constitution coloniale. Et ils s'y tenaient beaucoup. Et en réalité, on a beaucoup de législation coloniale et qui est faite par les... Ils ne s'appelaient pas parlement, mais ce qui était en effet parlement locaux, parce que dans les colonies, il y avait des corps qui représentaient les colonnes. Alors, dès le début, c'est assez différent, les droits américains. Il y a un paradoxe, hein, Tamar Herzog, dans cette histoire-là. C'est que d'un côté, nous n'arrêtons pas de le dire, cette common law, ce droit anglais, difficile à saisir, très souple, très malléable, sans texte. D'ailleurs, pour le droit constitutionnel, il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre. Mais le paradoxe est que des textes sont sans cesse brandis. Nous avons cité la Magna Carta. Il y a le Bill of Rights, 1689, juste après la Révolution. Texte, référence. C'est intéressant de voir, en fait, tout un jeu d'invention et de réinvention. Comme si, dans l'histoire du droit anglais, il y avait la volonté de se montrer aussi, eh bien, différent des autres. C'est comme si on voulait effacer tous les héritages, enfin, pour dire, voilà, nous avons notre histoire juridique à nous. Le droit romain, non, c'est pas pour nous. Alors que si, vous le montrez très bien. C'est ça aussi, c'est créer son identité par le droit. Oui, je pense que oui, mais je pense qu'à la limite, on le fait toujours partout, hein. Peut-être c'est moins célèbre, peut-être c'est plus souple, mais en réalité, la tradition, c'est la chose la plus fluide. Toutes les traditions, et les traditions juridiques aussi. Et voilà, alors je pense que toute société se réinvente en regard, et toutes les sociétés accumulent des documents, des histoires, et les réinterprètent continuellement, pour faire face aux conditions du présent. C'est ça que la société humaine fait toujours. Et ça se fait aussi avec le droit. Et ça se fait avec le droit, avec une histoire que vous écrivez donc sur le temps très loin, une brève histoire du droit en Europe, 2500 ans. Et à la lecture de la table des matières, c'est chronologique votre ouvrage, on sent qu'il y a comme un mouvement, un long mouvement qui va vers un droit commun pour tout le monde. Et là, nous parlons de l'Angleterre, mais on pourrait parler d'un mouvement beaucoup plus général, c'est-à-dire tous ces droits qui existaient par le passé, certains disparaissent pas en fait, sont fondus dans d'autres formes de droits. Mais vous le constatez, vous aussi, ce mouvement-là ? Tout à fait. Je pense que si on a commencé avec l'Europe, avec une droit très très local, et essaye de faire des droits qui sont pour tous les chrétiens, les droits communs, pour toutes les Européens, les droits savants universitaires, pour toutes les royaumes. Je pense que ce processus continue, c'est-à-dire ce processus d'unification des droits. Et la raison sont plus ou moins la même, parce que les gens sont plus mobiles, il y a des compagnies énormes, transnationnelles, il y a beaucoup de choses qui en réalité exigent qu'il y a des normes plus générales. Alors, je ne pense pas que ce sont les juristes qui poussent ces processus. C'est plutôt la société. En général, je pense que la relation société-juriste et loi est tout à fait étroite. Il y a interdépendance, c'est-à-dire les droits peuvent formuler des propositions que la société peut utiliser, mais en général, c'est la demande sociale de quelque chose qui aboutissent à la législation, aux droits, aux solutions juridiques. Alors je pense que maintenant il y a la nécessité d'un droit plus global et ça continue, c'est-à-dire cette idée de recentrer, uniformiser les droits, sauf qu'au lieu de royaume contre communauté locale, maintenant c'est le monde globalisé contre le royaume. C'est ça. Contre les États. Avec des constructions supranationales, oui. L'Union européenne, c'est ça en fait, c'est la nouvelle common law. Oui. Et les droits des États, ça devient les droits locaux. Oui, exactement. C'est cette longue histoire que vous nous proposez, Tamar Herzog. Merci beaucoup à vous, parce que se lancer dans un tel projet, c'est oser, 2500 ans d'histoire du droit, et c'est...